La cité de Dieu de saint Augustin, livre 20e, Le jugement dernier. Tome 4e, édition Charpentier 1855. Traduction et notes par Monsieur Émile, Edmond, Cesset. Chapitre 14. De la damnation du diable et des siens, et récapitulation de ce qui a été dit sur la résurrection des corps et le jugement dernier. Après avoir parlé de la dernière persécution, saint Jean résume en peu de mots ce que le diable doit souffrir au dernier jugement avec la cité dont il est le prince. Et le diable, dit-il, qui les séduisait, fut jeté dans un étang de feu et de soufre, où la bête et le faux prophète seront tourmentés jour et nuit, dans les siècles des siècles. Apocalypse 20:9-10. Nous avons dit plus haut que par la bête, on peut fort bien entendre la cité impie. Et quant à son faux prophète, c'est tout, l'antéchrist, ou cette image, ce fantôme dont nous nous avons parlé dans le même endroit. L'apôtre revient ensuite au dernier jugement qui se fera à la seconde résurrection des morts, c'est-à-dire à celle des corps, et déclare comment il lui a été révélé. « Je vis, dit-il, un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, devant qui le ciel et la terre s'enfuirent et disparurent. » Apocalypse 20:11. Il ne dit pas « Je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, et le ciel et la terre s'enfuirent devant lui, parce que cela n'arriva pas alors, c'est-à-dire avant qu'il eût jugé les vivants et les morts. Mais il dit qu'il vit assis sur le trône celui devant qui le ciel et la terre s'enfuirent dans la suite. Lorsque le jugement sera achevé, ce ciel et cette terre cesseront en effet d'exister, et il y aura un ciel nouveau et une terre nouvelle. Ce monde passera, non par destruction, mais par changement. Ce qui a fait dire à l'apôtre, la figure de ce monde passe. C'est pourquoi je désire que vous viviez sans soin et sans souci de ce monde. 1 Corinthiens 7, 31-32. C'est donc la figure du monde qui passe, et non sa nature. Saint Jean, après avoir dit qu'il vit celui qui était assis sur le trône, devant qui s'enfuit le ciel et la terre, ce qui n'arrivera qu'après, ajoute, « Je vis aussi les morts, grands et petits, et des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de la vie de chacun, et les morts furent jugés sur ce qui était écrit dans ces livres, chacun selon ses œuvres. » Il dit que des livres furent ouverts, ainsi qu'un autre, qui est le livre de la vie de chacun. Or, ces premiers livres sont l'Ancien et le Nouveau Testament, pour montrer les choses que Dieu a ordonnées confie, et cet autre livre particulier de la vie de chacun est là pour faire voir ce que chacun aura ou n'aura pas fait. Apprendre ce livre matériellement, combien faudrait-il qu'il fût grand et gros, ou combien faudrait-il de temps pour lire un livre contenant la vie de chaque homme? Est-ce qu'il y aura autant d'anges que d'hommes, et chacun entendra-t-il le récit de sa vie de la bouche de l'ange qui lui sera assigné? À ce compte, il n'y aurait donc pas un livre pour tous, mais un pour chacun. Cependant l'Écriture n'en marque qu'un pour tous, quand elle dit « Et un autre livre fut ouvert ». Il faut dès lors entendre par ce livre une vertu divine, par laquelle chacun se ressouviendra de toutes ses œuvres, tant bonnes que mauvaises, et elles lui seront toutes présentées en un instant, afin que sa conscience le condamne ou le justifie, et qu'ainsi tous les hommes soient payés en un moment. Si cette vertu divine est nommée un livre, c'est qu'on y lit, en quelque sorte, tout ce qu'on se souvient d'avoir fait. Pour montrer que les morts doivent être jugés, c'est-à-dire les grands et les petits, il ajoute, par forme de récapitulation et en reprenant ce qu'il avait omis, ou plutôt ce qu'il avait différé, et la mère présenta ses morts, et la mort et l'enfer rendirent les leurs, Apocalypse 20, 13, ce qui arriva sans doute avant que les morts fussent jugés, et cependant il ne le rapporte qu'après. Ainsi j'ai raison de dire qu'il reprend ce qu'il avait omis. Mais maintenant il garde l'ordre, et croit devoir répéter ce qu'il avait déjà dit du jugement. Après ces paroles, et la mère rendit ses morts, et la mort et l'enfer rendirent les leurs, il ajoute aussitôt, et chacun fut jugé selon ses œuvres, et c'est ce qu'il avait dit avant, les morts furent jugés selon leurs œuvres. Chapitre 15. Des morts que vomit la mer pour le jugement, et de ceux que la mort et l'enfer rendirent. Mais quels sont ces morts que la mer contenait et qu'elle vomit? Ceux qui meurent dans la mer échapperaient-ils à l'enfer, ou bien est-ce que la mer conserve leur corps, ou bien, ce qui est encore plus absurde, la mer aurait-elle les bons et l'enfer les méchants? Qui le croira? Il me semble donc que c'est avec quelque raison qu'on a entendu ici le siècle par la mer. Ainsi Saint Jean, voulant dire que ceux que Jésus-Christ trouvera encore vivants seront jugés avec ceux qui doivent ressusciter, les appelle aussi morts, tant les bons que les méchants. Les bons, à qui il est dit, vous êtes morts, et votre vie est cachée en Dieu avec Jésus-Christ. Colossiens 3:3, et les méchants, dont il est dit, laissez les morts ensevelir leurs morts. Matthieu 8, 22. On peut aussi les appeler morts en ce qu'ils ont des corps mortels, ce qui a donné lieu à cette parole de l'apôtre. Il est vrai que le corps est mort, à cause du péché, mais l'esprit est vivant, à cause de la justice. Romains 8, 10. Montrant par là que l'un et l'autre est dans un homme vivant, un corps vivant et un esprit qui vit. Il ne dit pas toutefois le corps mortel, mais le corps mort, bien qu'il le dise ensuite, Romains 8, 11, comme on a coutume de l'appeler communément. Ce sont ces morts que la mer vomit. Entendez que ce siècle présentera les hommes qu'il contenait, parce qu'ils n'étaient pas encore morts. Et la mort et l'enfer, dit-il, rendirent aussi leurs morts. La mer les présenta, selon la traduction littérale, parce qu'ils comparurent dans l'état où ils furent trouvés, au lieu que la mort et l'enfer les rendirent, parce qu'ils les rappelèrent à la vie qu'ils avaient déjà quittée. Peut-être n'est-ce pas seulement la mort, mais encore l'enfer, la mort, pour marquer les justes qui l'ont seulement soufferte, sans aller en enfer, et l'enfer à cause des méchants qui y souffrent des supplices. S'il est au fond assez vraisemblable que les saints de l'Ancien Testament, qui ont cru à l'incarnation de Jésus-Christ, ont été, après la mort, dans des lieux, à la vérité, fort éloignés de ceux où les méchants sont tourmentés, mais néanmoins dans les enfers, jusqu'à ce qu'ils en fussent tirés par le sang du Sauveur et par la descente qu'il y fit certainement, les véritables chrétiens, après l'effusion de ce sang divin, ne vont point dans les enfers, en attendant qu'ils reprennent leur corps et qu'ils reçoivent les récompenses qu'ils méritent. Or, après avoir dit, et ils furent jugés chacun selon leurs œuvres, il ajoute en un mot quel fut ce jugement, et la mort, dit-il, et l'enfer furent jetés dans un étang de feu, désignant par là le diable et tous les démons, attendu que le diable est auteur de la mort et des peines de l'enfer. C'est même ce qu'il a dit avant plus clairement par anticipation. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans un étang de feu et de soufre. Ce qu'il avait exprimé la plus obscurément, ou la bête et le faux prophète, etc. il l'éclaircit ici en ces termes, Et ceux qui ne se trouvèrent pas écrits dans le livre de vie furent jetés dans l'étang de feu. Apocalypse 20, 14, 15. Ce livre n'est pas pour avertir Dieu, comme s'il pouvait se tromper par oubli, mais il signifie la prédestination de ceux à qui la vie éternelle sera donnée. Dieu ne les lit pas dans ce livre, comme s'il ne les connaissait pas, mais plutôt sa prescience infaillible et ce livre de vie dans lequel ils sont écrits, c'est-à-dire connus de toute éternité. Chapitre 16. Du nouveau ciel et de la nouvelle terre. Après avoir parlé du jugement des méchants, Saint Jean avait à nous dire aussi quelque chose de celui des bons. Il a déjà expliqué ce que notre Seigneur a exprimé en ce peu de mots. Ceux-ci iront au supplice éternel. Il lui reste à expliquer ce qui suit immédiatement. Et les justes, à la vie éternelle. Matthieu 25, 46. Et je vis, dit-il, un ciel nouveau et une terre nouvelle. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. Apocalypse 21, 1. Cela arrivera dans l'ordre que j'ai marqué ci-dessus, à propos du passage où il dit avoir vu celui qui était assis sur le trône, devant qui le ciel et la terre s'enfuirent. Aussitôt que ceux qui ne sont pas écrits au livre de vie auront été jugés et envoyés au feu éternel, dont le lieu et la nature sont, à mon avis, inconnus à tous les hommes, à moins que Dieu ne le leur révèle, alors la figure du monde passera par l'embrasement de toutes choses, comme elle passa autrefois par le déluge. Cet embrasement détruira les qualités des éléments corruptibles qui étaient conformes au tempérament de nos corps corruptibles, pour leur en donner d'autres qui conviennent à des corps immortels, afin que le monde renouvelé soit en harmonie avec les corps des hommes qui seront renouvelés pareillement. Quant à ces paroles, il n'y aura plus de mer. Il n'est pas aisé de décider si la mer sera desséchée par l'embrasement universel, ou bien si elle sera transformée. Nous lisons bien qu'il y aura un ciel nouveau et une terre nouvelle, mais pour une mer nouvelle, je ne me souviens pas de l'avoir jamais lu. Il est vrai que, dans ce même livre, il est parlé d'une sorte de mer semblable à du cristal, Apocalypse, 4, 6, 15, 2, mais il n'est pas la question de la fin du monde, et le texte ne dit pas que ce fut proprement une mer, mais une sorte de mer. Pourtant, à l'imitation des prophètes, qui se plaisent à employer des métaphores pour voiler leurs pensées, Saint Jean, disant qu'il n'y avait plus de mer, a peut-être voulu parler de cette même mer dont il avait dit auparavant, que, la mer présenta les morts qui étaient dans son sein. En effet, il n'y aura plus alors de siècle plein d'orages et de tempêtes, tel que le nôtre, qu'il a présenté sous l'image d'une mer. Chapitre 17. De la glorification éternelle de l'Église, à la fin du monde. Ensuite, dit l'apôtre, je vis descendre la grande cité, la nouvelle Jérusalem qui venait de Dieu, parée comme une jeune épouse, ornée pour son époux. Et j'entendis une grande voix qui sortait du trône et disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il demeurera avec eux, et ils seront son peuple, et il sera leur Dieu. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux, et il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur, parce que le premier état sera fini. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Je m'en vais faire toutes choses nouvelles. » Apocalypse 21, 2 à 5. L'Écriture dit que cette cité descendra du ciel, parce que la grâce de Dieu, qui l'a formée, en vient. Elle lui dit par la même raison dans Isaïe. Je suis le Seigneur qui te forme. Isaïe 70:45-8. Cette cité, en effet, est descendue du ciel, dès qu'elle a commencé, depuis que ses concitoyens s'accroissent par la grâce du baptême, que leur a communiqué la venue du Saint-Esprit. Mais elle recevra une si grande splendeur à la venue de Jésus-Christ, qu'il ne lui restera aucune marque de vieillesse, puisque les corps mêmes passeront de la corruption et de la mortalité à un état d'incorruptibilité et d'immortalité. Il me semble qu'il y aurait trop d'impudence à soutenir que les paroles de Saint Jean doivent s'entendre des 1000 ans que les saints régneront avec leur roi, attendu qu'il dit très clairement que Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux, et qu'il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur. Et qui serait assez déraisonnable pour prétendre que, parmi les misères de cette vie mortelle, non seulement tout le peuple de Dieu, mais qu'aucun saint même soit exempt de larmes et d'ennui, tandis qu'au contraire, plus on est saint et plein de bons désirs, plus on répand de pleurs dans la prière. N'est-ce point la cité sainte, la Jérusalem céleste, qui dit « Mes larmes m'ont servi de nourriture jour et nuit » Psaume 21:4. Et encore, je tremperai mon lit de pleurs toute la nuit, je le bénirai de mes larmes. Psaume 6:7. Et ailleurs, mes gémissements ne vous sont point cachés. Psaume 37:10. Et enfin, ma douleur s'est renouvelée. Psaume 38:3. Ne sont-ce pas les enfants de la divine Jérusalem qui gémissent, parce qu'ils voudraient bien, non pas que leur corps fût anéanti, mais qu'il fût revêtu d'immortalité, en sorte que ce qu'il y a de mortel en eux, fût absorbé par la vie? 2 Corinthiens 5:4. Ne sont-ce pas eux qui, possédant les prémices de l'Esprit, soupirent en eux-mêmes en attendant l'adoption divine, c'est-à-dire la rédemption de leur corps? Romains 8:23. Et l'apôtre saint Paul n'était-il pas un citoyen de cette Jérusalem céleste, surtout quand il était saisi d'une profonde tristesse et percé jusqu'au cœur par une douleur poignante et continuelle à cause des Israélites, qui étaient ses frères selon la chair? Romains 9:2. Quand donc la mort ne sera-t-elle plus dans cette cité? Sinon quand on dira, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Or, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. 1 Corinthiens 15:55-56, lequel ne sera plus alors? Mais maintenant, ce n'est pas un habitant obscur de cette cité, c'est Saint Jean lui-même qui crie dans son épître, si nous disons que nous sommes sans péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. 1 Jean 1:8. Je demeure d'accord que dans l'Apocalypse il y a beaucoup de choses obscures, propres à exercer l'esprit du lecteur, et un petit nombre de choses claires, propres à faire comprendre les autres, non sans prendre beaucoup de peine. La raison de cette obscurité, c'est surtout la coutume de l'auteur de dire les mêmes choses en tant de manière, qu'il semble qu'il veut parler de différentes choses, lorsque c'est toujours la même, diversement exprimée. Mais quant à ces paroles, Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux, et il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur. Elle regarde si évidemment le siècle à venir, l'immortalité et l'éternité des saints, qui seuls seront délivrés de ces misères, qu'il ne faut rien chercher de clair dans l'Écriture sainte, si l'on trouve ces paroles obscures. Chapitre 18. Ce qu'annonce saint Pierre touchant le jugement dernier. Voyons maintenant ce que l'apôtre saint Pierre a écrit sur ce jugement. Dans les derniers jours, dit-il, viendront des séducteurs pleins d'artifices, qui, marchant à la suite de leur passion, diront, qu'est devenue la promesse de son avènement, car, depuis que nos pères sont morts, toute chose se passe comme au commencement de la création. Paroles d'insensés qui ne veulent pas savoir que les cieux furent d'abord dégagés des eaux par la parole de Dieu, aussi bien que la terre, et que le monde d'alors périt et fut submergé par les eaux. Mais les cieux et la terre qui existent à présent ont été rétablis par la même parole de Dieu, et sont destinés à être brûlés par le feu au jour du jugement, lorsque les méchants périront. Or, apprenez, mes bien-aimés, que devant Dieu un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Ainsi le Seigneur ne diffère point l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns se l'imaginent, mais il vous attend avec patience, parce qu'il veut, non pas qu'aucun périsse, mais que tous se repentent et se convertissent. Or, le jour du Seigneur viendra comme un larron, et alors les cieux passeront avec un grand fracas, les éléments seront dissous par la violence du feu, et la terre sera consumée avec tous ses ouvrages. Puisque toutes choses doivent périr, il vous convient d'attendre ce moment dans la sainteté et d'aller au-devant du jour du Seigneur, alors que les cieux embrasés seront dissous, et que les éléments périront par le feu. Mais nous attendrons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice régnera. 2 Pierre 3:3 à 13. L'apôtre ne dit rien ici de la résurrection des morts, mais il s'étend beaucoup sur la ruine du monde, et, parce qu'il dit du déluge, il semble nous avertir de la manière dont l'univers doit périr un jour. Il dit, en effet, que le monde, qui était alors, périt, non seulement le globe de la terre, mais encore les cieux, c'est-à-dire les espaces de l'air qui avaient été envahis par la crue des eaux. Il entend, en effet, par les cieux, ce lieu de l'air où souffle le vent, et seulement ce lieu, mais non les cieux supérieurs où sont placés le soleil, la lune et les étoiles. Ainsi toute cette région de l'air avait été changée par l'envahissement de l'eau, et elle périt ainsi, comme la terre avait péri avant elle par le déluge. Mais, dit-il, les cieux et la terre d'à présent ont été rétablis par la même parole de Dieu, et sont réservés pour être brûlés par le feu, au jour du jugement, lorsque les méchants périront. Ainsi le monde qui a été rétabli, c'est-à-dire ces cieux et cette terre, mis à la place du monde qui avait été détruit par le déluge, sont destinés à périr par le feu, au jour du jugement, quand les méchants périront. Il déclare, sans hésiter, que les méchants périront à cause du grand changement qui leur arrivera, bien que leur nature doive toujours demeurer au milieu des supplices éternels. On dira peut-être, si le monde est embrasé après le jugement, où seront les saints lors de cet embrasement suprême, avant que Dieu ait remplacé le monde détruit par un ciel nouveau et une terre nouvelle, car, puisqu'ils auront des corps, il faut bien qu'ils soient quelque part. Nous pouvons répondre qu'ils seront dans les hautes régions où le feu de l'embrasement n'éteindra pas, non plus qu'autrefois l'eau du déluge. Leurs corps seront-elles alors qu'ils pourront demeurer où il leur conviendra? Ils ne craindront pas même le feu de cet embrasement, étant immortels et incorruptibles. De même que les corps mortels et corruptibles des trois jeunes hommes purent vivre dans la fournaise ardente, Daniel 3:21, sans être atteints par le feu. Chapitre 19. De l'épître de saint Paul aux habitants de Thessalonique sur l'apparition de l'Antéchrist, après lequel viendra le jour du Seigneur. Je me vois dans la nécessité de négliger un grand nombre de témoignages des évangélistes et des apôtres sur ce dernier jugement, craignant de donner trop d'étendue à ce livre. Mais je ne puis passer sous silence ce que dit saint Paul dans une épître écrite aux habitants de Thessalonique. Nous vous prions, mes frères, par l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et au nom de notre union en lui, de ne pas vous laisser ébranler légèrement, sur la foi de quelques fausses prophéties ou sur quelques discours et sur quelques lettres qu'on supposerait venir de nous, pour vous faire croire que le jour du Seigneur est proche. Que personne ne vous trompe. Il faut auparavant que l'apostat vienne, et que l'homme de péché se manifeste, ce fils de perdition, qui s'opposera à Dieu, et qui s'élèvera au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, voulant passer lui-même pour Dieu. Ne vous souvient-il pas que je vous disais tout cela, quand j'étais encore avec vous? Vous savez bien aussi ce qui empêche qu'il ne vienne, afin qu'il paraisse en son temps. Car le mystère d'iniquité commence à se former. Seulement que celui qui tient maintenant tienne jusqu'à ce qu'il sorte, et alors, se révélera ce méchant que le Seigneur tuera du souffle de sa bouche, et qu'il dissipera par l'éclat de sa présence ce méchant, dis-je, qui doit venir avec la puissance de Satan et faire une infinité de prodiges et de faux miracles qui séduiront ceux qui doivent périr pour n'avoir point aimé la vérité qui les eût sauvés. C'est pourquoi Dieu leur enverra un esprit d'erreur qui les fera croire au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont point cru à la vérité, mais qui ont consenti à l'iniquité, soient condamnés. 2. Thessaloniciens, 2, 1 à 11. Il est hors de doute que saint Paul a dit ceci de l'Antéchrist et du jour du jugement, qu'il appelle le jour du Seigneur, pour expliquer que le Seigneur ne viendra point avant que celui qu'il appelle l'apostat ne soit venu. Que si l'on peut appeler avec raison tous les impies des apostats, à plus forte raison peut-on nommer ainsi l'Antéchrist. Mais quel est le temple de Dieu où il doit s'asseoir? On ne peut décider si c'est dans les ruines du temple de Salomon ou dans l'église. S'il s'agissait du temple d'une idole ou du démon, assurément l'apôtre ne l'appellerait pas le temple de Dieu. Aussi a-t-on voulu que ce passage, qui a rapport à l'Antéchrist, s'entendit non seulement du prince des impies, mais en quelque sorte de tout ce qui fait corps avec lui, c'est-à-dire de la multitude des hommes qui lui appartiennent. Et l'on a cru qu'il valait mieux suivre le texte grec et dire, non, dans le temple de Dieu, mais, en temple de Dieu, comme si l'Antéchrist était lui-même le temple de Dieu, qui n'est autre chose que l'Église. C'est ainsi que nous disons il, s'assied en ami, c'est-à-dire comme ami, et autre locution du même genre. Quant à ces paroles, vous savez aussi ce qui empêche qu'il ne vienne maintenant, c'est-à-dire vous connaissez la cause du retard de sa venue, c'est afin qu'il paraisse en son temps. Comme il dit, vous le savez, il ne s'en est pas expliqué plus clairement. Mais nous qui l'ignorons, nous avons bien de la peine à comprendre ce qu'il veut dire, d'autant mieux que ce qu'il ajoute rend plus obscur encore le sens de ce passage. En effet, que signifient ces paroles? Le mystère d'iniquité commence déjà à se former. Seulement que celui qui tient maintenant tienne jusqu'à ce qu'il sorte. Et alors le méchant se manifestera. J'avoue franchement ne pas comprendre ce que cela veut dire, mais je ne passerai pas sous silence les conjectures de ceux que j'ai pu lire ou entendre. Il en est qui pensent que saint Paul parle ici de l'Empire romain, et que c'est la raison pour laquelle il a affecté d'être obscur, de crainte qu'on ne l'accusât de faire des imprécations contre un empire qu'on regardait comme éternel. De sorte que par ces paroles, le mystère d'iniquité commence à se former, Il aurait eu en vue Néron, dont on regardait les œuvres comme celles de l'Antéchrist. D'autres pensent même que Néron n'a pas été tué, mais seulement enlevé, pour qu'on le crût mort, et qu'il est caché quelque part, vivant et dans la vigueur de l'âge qu'il avait quand on le crut mort, pour reparaître en son temps et être rétabli dans son royaume. Mais cette opinion me semble tout au moins fort singulière. Toutefois, ces paroles de l'apôtre, seulement que celui qui tient maintenant tienne jusqu'à ce qu'il sorte, peuvent sans absurdité s'entendre de l'Empire romain, comme s'il y avait, seulement que celui qui commande, commande jusqu'à ce qu'il sorte, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il soit retranché, et alors le méchant se découvrira, c'est-à-dire l'Antéchrist, comme tout le monde en tombe d'accord. Mais d'autres pensent que ces paroles, vous savez ce qui empêche qu'ils ne viennent, car le mystère d'iniquité commence déjà à se former, ne doivent s'appliquer qu'aux méchants et aux hypocrites qui sont dans l'Église, jusqu'à ce qu'ils soient en assez grand nombre pour fournir un grand peuple à l'Antéchrist, et que c'est ce qu'il appelle le mystère d'iniquité, parce que c'est une chose cachée. Les paroles de l'apôtre seraient donc une exhortation aux fidèles de demeurer fermes dans leur foi, quand il dit « Seulement que celui qui tient maintenant tienne jusqu'à ce qu'il sorte, c'est-à-dire jusqu'à ce que le mystère d'iniquité sorte de l'Église, où il est maintenant caché. » Ceux-là estiment que ce mystère d'iniquité est celui dont parle ainsi saint Jean dans son épître. « Mes enfants, voici la dernière heure, car, comme vous avez ouï dire que l'Antéchrist doit venir et qu'il y a déjà maintenant plusieurs Antéchrists, cela nous fait connaître que nous sommes arrivés maintenant à la dernière heure. Ils sont sortis d'avec nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés. » Jean 2, 18, 19. De même, disent-ils, que plusieurs hérétiques, que saint Jean appelle des antéchrists, sont déjà sortis de l'Église, à cette heure, qu'il dit être la dernière, ainsi tous ceux qui n'appartiendront pas à Jésus-Christ, mais à l'antéchrist, en sortiront alors, et c'est alors qu'il se manifestera. C'est ainsi qu'on explique, ceux-ci d'une manière, ceux-là d'une autre, ces obscures paroles de saint Paul, mais du moins on ne doute point qu'il n'ait dit que Jésus-Christ ne viendra pas juger les vivants et les morts avant que l'Antéchrist ne soit venu séduire ceux qui seront déjà morts dans l'âme, encore que cette séduction même appartienne au mystère des jugements de Dieu. L'Antéchrist, comme dit l'apôtre, viendra avec la puissance de Satan, et fera une infinité de prodiges et de faux miracles pour séduire ceux qui doivent périr. Alors en effet Satan sera délié et il agira de tout son pouvoir par l'Antéchrist, en faisant plusieurs miracles trompeurs. On a coutume de demander si l'apôtre les appelle de faux miracles, parce que ce ne seront que des illusions et des prestiges, ou bien parce qu'ils entraîneront dans l'erreur ceux qui croiront ces prodiges au-dessus de la puissance du diable, faute de connaître ce qu'il peut et surtout ce qu'il pourra, alors qu'il recevra un pouvoir plus grand qu'il ne l'a jamais eu. En effet, lorsque le feu tomba du ciel et consuma la nombreuse famille de Job avec tant de troupeaux, et qu'un tourbillon de vent abattit la maison où étaient ses enfants et les écrasa sous ses ruines, ce n'était pas des illusions, et cependant c'était des œuvres de Satan, à qui Dieu avait donné ce pouvoir. Quoi qu'il en soit, car nous saurons mieux un jour pourquoi l'apôtre les appelle de faux miracles, il est certain qu'ils séduiront ceux qui auront mérité d'être séduits, pour n'avoir pas aimé la vérité qui les eût sauvés. L'apôtre ne dissimule pas que, Dieu leur enverra une erreur si forte et si spécieuse qu'ils auront foi dans le mensonge. Il la leur enverra, parce qu'il permettra au diable de faire ses prodiges, et il le lui permettra par un jugement très juste, bien que le dessein du diable en cela soit injuste et criminel, afin, ajoute-t-il, que tous ceux qui n'ont point cru à la vérité, mais qui ont consenti à l'iniquité, soient condamnés. Ainsi ils seront séduits par ces jugements de Dieu, également justes et cachés, qu'il n'a jamais cessé d'exercer sur les hommes depuis le péché du premier homme. Après avoir été séduits, ils seront condamnés dans le dernier public jugement par Jésus-Christ, qui, condamné injustement par les hommes, les condamnera justement. Note. Néron, qui s'était pris lui-même en haine par le sentiment de ses crimes, disparut de la scène du monde, sans que l'on sache avec certitude s'il mourut de sa propre main. Le fait certain, c'est que son corps ne fut pas retrouvé, d'où la croyance que, même en admettant qu'il se soit frappé lui-même de son épée, sa blessure guérit, et il survécut selon qu'il a été écrit de lui. La plaie de sa mort a été guérie. Il sera envoyé, vers la fin du monde, pour exercer parmi nous le mystère d'iniquité. In, Sulpice Sévère dans son Histoire Sacrée livre 2 chapitre 29. Cette légende populaire sur Néron est rapportée par Suétone, Vie de Néron, chapitre 57. Lorsque je sortais de l'enfance, il parut un aventurier qui se disait Néron. À la faveur de ce nom supposé, il fut très bien accueilli chez les Parthes, en reçut de grands secours, et ne nous fut rendu qu'avec beaucoup de peine. Voir aussi, Tacite Histoire livre 2 chapitre 8, Apparition d'un faux Néron, surpris et tué par Asprenas. Et Lactance, de la mort des persécuteurs de l'Église, chapitre 2, édition Vanderborg, 1850. Markendanarchive.org, 2019, d'après abbaye-saint-benoît.ch, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.